parti pour de nouveaux horizons. Ne plus être opprimé par les cons. Ne plus vouloir vivre dans la misère. Quitter sa patrie austère. Babylone t'a accueilli. Tu pensais être au paradis. On t'a présenté cliché. Mais tu t'es étouffé à Vichy. Pas la pastille. Pas la pastille. Pas la pastille. Marginalité. Babylone t'a accueilli. Tu pensais